إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الإسلام دين العلم، فأول آية نزلت من القرآن الكريم تأمر بالقراءة التي هي مفتاح العلوم، كما قال سبحانه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والعلم في الإسلام يسبق العمل، فلا عمل إلا بعلم، كما قال عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. L'islam est une religion de science. Le premier verset révélé dans le livre d'Allah, le Coran al-Karim, appelé à la lecture, commande la lecture, qui est la clé des sciences. Comme Allah Azza wa Jalla a dit, la traduction relative approchée de ce verset, de tout verset qu'on cite en général: lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est très noble, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Et comme vous le savez, rahimakum Allah, la science dans l'islam précède l'action. Al-ilm qabl al-qawli wal-amal. Il y a science avant la parole et les actes. Il n'y a pas d'action si ce n'est qu'avec une science qui la précède. Comme Allah Azza wa Jal l'a dit dans Sourate Muhammad: fa'lam annahu la ilaha illallah. Sache qu'en vérité il n'y a de divinité digne d'être adorée véritablement, exclusivement, si ce n'est Allah. Il demande pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Wulil ulama fi l'islam manzila sharifa fi d-dunya wal akhirah. Qala subhanahu: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد مدح الله العلماء وأثنى عليهم بقوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وأهل العلم هم أسرع الناس إدراكا للحق وإيمانا به، كما قال جل وعلا: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. Et les savants de notre religion, de l'islam, ils ont une place honorable ici-bas comme dans l'au-delà. Comme l'a cité Allah Azza wa Jal dans son livre, dans Sourate Al-Mujadala, où Allah Azza wa Jalla dit: Allah élèvera ceux parmi vous qui ont cru et les gens de science en degré. Et Allah Azza wa Jalla a élogé les savants dans son livre, parce qu'il a dit dans Sourate Al-Zumar: Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent, s'en rappellent. Les doués de raison, les doués d'intelligence s'en rappellent. Et les gens de science sont ceux qui reconnaissent, qui perçoivent la vérité plus rapidement que le reste des gens. Et c'est pour cela qu'Allah Azzawajal a dit dans Surat Al-Hajj, et afin que ceux à qui le savoir a été donné sachent que le Coran est en effet la vérité venant de ton Seigneur, qu'ils y croient alors et que leur cœur s'y soumette en toute humilité. والإسلام يدعو إلى طلب العلم وقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وبين فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وأن العلماء ورثة الأنبياء وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر وأخبر عليه الصلاة والسلام أن طلب العلم طريق إلى الجنة فقال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Et comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu la recherche de la science religieuse une obligation pour chaque musulman, afin qu'ils sachent comment adorer leur Seigneur, et a expliqué et a clarifié que la supériorité et le mérite du savant par rapport à l'adorateur est égal à la supériorité et au mérite de la lune par rapport aux autres étoiles, par rapport aux autres astres. Mais aussi que les, comme c'est venu dans le hadith qu'on cite, que les savants sont les héritiers des prophètes, et que les prophètes n'ont laissé en héritage ni dinar, ni dirham, mais ils ont laissé la science. Quiconque s'en empare s'est emparé d'une part énorme de l'héritage. Et ce qu'on vient de citer par rapport au verset et au hadith, comme hadith de Muawiyah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fi ddin. Celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre cette religion. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلاء يتتبعون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء قال فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم من أين جئتم فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك قال وماذا يسألوني قالوا يسألونك جنتك قال وهل رأوا جنتي قالوا لا أي رب قال فكيف لو رأوا جنتي قالوا ويستجيرونك قال ومما يستجيرونني قالوا من نارك يا رب قال وهل رأوا ناري قالوا لا قال فكيف لا فكيف لو رأوا ناري قالوا ويستغفرونك قال فيقول قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا قال فيقولون رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم قال فيقول وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم لا حول ولا قوة إلا بالله هم القوم لا يشقى بهم جليسهم حديث ستينهم حديث أبقتي بار مسلم وسي البخاري والترمذي والنسائي d'après Abu Huraira radiyallahu anhu où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah a de nombreux anges qui parcourent la terre à la recherche d'assemblées où le nom d'Allah est invoqué et quand ils trouvent une telle assemblée ils se joignent alors à ceux qui y sont et rassemblent leurs ailes les uns autour des autres remplissant ainsi l'espace entre eux et le ciel. Et quand ils finissent, les anges montent et s'élèvent jusqu'au ciel. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, alors Allah, subhanahu wa ta'ala, leur demande, bien qu'il le sait mieux qu'eux-mêmes, il leur demande, d'où venez-vous? Ils disent, nous revenons de certains de tes serviteurs sur terre. Nous revenons de certains de tes serviteurs sur terre. Ils te glorifiaient. Ils t'exaltaient. Il témoignait qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée véritablement, exclusivement, si ce n'est toi, te louant et te demandant des faveurs. Et ici, il est dit Tasbih, Antakul Subhanallah, te glorifier Subhanallah, Takbir, Antakul Allahu Akbar, Tahmid, Antakul Alhamdulillah. تهليله ان تقول لا اله الا الله et Allah de leur dire et que demandaient-ils de moi ils disent ils te demandent ton paradis et Allah azza wa jal de dire et ont-ils vu mon paradis ils disent non ô Seigneur et dans le hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue de dire qu'Allah il a dit qu'Allah dit, comment serait-il s'il avait vu le paradis? Ils répondirent, les anges, il serait encore plus attaché à lui et plus attiré par lui. Et les anges poursuivirent en disant, et il recherche refuge. Et Allah leur demande contre eux, qui recherche-t-il refuge? Ils répondirent, de ton enfer, ô Seigneur. Et Allah Azza wa Jal de dire, et ont-ils vu mon enfer? Ils disent non. Il dit, et quand serait-il s'ils avaient vu l'enfer? Et les anges de répondre, s'ils l'avaient vu, ils s'éloigneraient de lui de plus en plus. Et ils en auraient encore plus peur. Les anges continuent, les anges disent, et ils te demandent ton pardon. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il cite à la fin du hadith, alors Allah a dit à ses anges, je leur ai pardonné et je leur ai accordé ce qu'ils ont demandé et je leur ai donné un refuge contre ce qu'ils ont demandé protection. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, les anges ont dit, ô Seigneur, parmi eux se trouvait un tel, un serviteur pécheur qui passait juste par ce chemin. Il s'est assis avec eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire qu'Allah a dit et à lui aussi j'ai donné mon pardon celui qui s'assoit avec de telles personnes ne souffrira pas et ce hadith là barakallahu fikum il a de nombreuses versions et ce hadith il est présent dans beaucoup de livres comme Sahih ibn Hibban, Sahih al-Tirmidhi البداية والنهاية لابن كثير الجامع الصغير l'imam Suyuti également dans Sahih al-Jami' ou Sahih al-Targhib ou Silsilat al-Ahadith al-Sahiha de l'imam al-Albani ou dans Sahih al-Musnad de l'imam al-Wadi'i ou dans Majmou' al-Fatawa du Cheikh Ibn Baz rahimahumullah jami'an. Et toutes ces versions de hadith ils sont justes et nous montrent la valeur et le mérite de rechercher la science. Et le fait d'écouter un rappel alors que tu es chez toi, ou bien ton travail, ou dehors, ou autre, c'est un énorme bienfait qui demande remerciement. Un énorme bienfait de la part d'Allah Azza wa Jal sur ta personne. Et toute personne qui n'a pas la possibilité de participer à des assemblées de sciences ou d'aller étudier, jusqu'à ce qu'Allah lui donne la possibilité d'aller étudier chez les savants, de voyager chez les savants. Celui qui n'a pas la possibilité de participer à des assemblées de sciences dans les mosquées ou autres, et qui écoute par téléphone ou sur la radio, sur une radio, des rappels, celui-là, il écoute des rappels, exemple en direct. Celui-là, il rentre dans le hadith, dans ce hadith qu'on a cité et dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hum al-qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Dans sa parole, et celui qui s'assoit avec de telles personnes ne souffrira pas. C'est-à-dire qu'elle ne sera pas privée de bénédiction. Et beaucoup de savants ont dit que celui qui écoute et qui profite des rappels des cours sur une radio ou autre, par téléphone, il rentre dans ce hadith. Comme le cité Cheikh Abdallah al-Ghriyan, rahimahullah ta'ala, et d'autres savants. من يستمع للدرس عبر الانترنت يستفيد يسمعون الذكر قد يكون فيه نفع ثم الإنسان وخاصة طالب العلم يحفظ وقته بما ينفع الإنسان يحفظ وقته بما ينفع ثم قد لا يحصل للشخص ما يحصل لتلك النعمة من العلم ونحو ذلك فقد يأتيه مرض المستمع أو سفر أو سفر أو عدم حصول ذلك ونحو ذلك celui qui écoute un rappel cela lui sera profitable. Et le rappel, c'est une chose qui est demandée également. Dhakir fa inna dhikra tanfa' al-mu'minin, comme Allah Azza wa Jalla dit, et rappelle, car le rappel profite aux croyants. L'étudiant, il doit préserver son temps sur ce qui peut lui être profitable. Toute personne doit préserver son temps sur ce qui peut lui être profitable, et plus particulièrement l'étudiant science. Celui qui préserve son temps sur ce qui peut lui être profitable, c'est un grand bienfait pour celui qui en a bénéficié. Il se peut qu'une maladie, un voyage lui vienne et qu'il ne puisse plus profiter par la suite, comme il profitait lorsqu'il était résident ou lorsqu'il était en bonne santé. فإذا فتح باب خير لك لا ترد إذا فتح باب خير لك لا ترد لذلك ابن القيم رحمه الله في غزوة تبوك قال فيه دلالة أن الخير قد لا يفتح باب مرة أخرى فلما تخلف كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية رضي الله عنهم عن غزوة تبوك، خلاص لا يمكن لهم أن يعودوا مرة ثانية للغزوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غزا ثم مات، فلا يمكن أن يتكرر لهم الخير. غزوة مع النبي عليه الصلاة والسلام وإلى تبوك، فإذا فتح باب خير لك اغتنمه، فقد يغلق ولا تتوانى عن اغتنامه. Comment la citer une personne qui écoute un rappel, il profite, il se peut qu'il devienne malade ou qu'il voyage. Et si une porte de bien elle s'ouvre à toi, ne la repousse pas. Si une porte de bien elle s'ouvre à toi, ne la repousse pas. Ibn Qayyim, rahimahullah, il a dit concernant l'expédition de Tabouk, qui est une histoire qui est, inchallah, connue de tous, et que vous pouvez trouver dans Sahih al-Bukhari. Lorsque les trois compagnons ont délaissé cette expédition, il dit, Ibn Qayyim, rahimahullah, concernant l'expédition de Tabouk, il y a une preuve que le bien ne pas, yani le bien peut ne pas ouvrir notre porte, ou bien que le bien ne puisse réapparaître. Si une porte de bien s'ouvre à toi, ne la repousse pas. Il se peut que le bien ne puisse réapparaître. Lorsque les trois compagnons, Ka'b ibn Malik, wa Murarat ibn al-Rabi' wa Hilal ibn Umayyah, qu'Allah les agrée, lorsque ces trois compagnons-là, ils ont délaissé l'expédition de Tabouk, il ne leur a pas été possible de la refaire avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que la dernière expédition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était Tabouk. Il n'a pas été possible pour eux de refaire cette expédition, car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est mort après celle-ci. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est mort après celle-ci. Donc il n'a pas été possible que le bien il se répète pour eux. Il n'a pas été possible que quoi? Que le bien il se répète pour eux. L'expédition avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est à Tabouk. C'est pour ça que Akhi al-Karim, si une porte de bien elle s'ouvre à toi, prends-la. Tire bénéfice d'elle, car il se peut qu'elle se referme et ne revienne plus. ثم لا يقول الشخص أنا أعرف هذه المسائل أو غيرها، فكون الشخص يرقي قلبه بسماع الذكر هذه منفعة، ثم يرسخ معلوماته هذه منفعة، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله، يعني زيدوا إيمانا. وكذا تعليم التوحيد حتى لو كان الشخص يعرفه يرسخ ويدارسه، ثم كون الشخص يسمع أحاديث أو كلام أهل العلم هذا مما يقربه للدين ومما يثبته بإذن الله تعالى على جواب الملكين، من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم. Et ensuite, l'étudiant, il doit pas dire « Moi, je connais les sujets qui sont traités, par exemple, dans un cours. » Mais il doit plutôt habituer son cœur à l'écoute de rappel. Et c'est cela qui lui sera profitable, qui lui profitera et le rendra plus ferme. Il rendra plus ferme ses connaissances. C'est ces choses-là qui l'affermiront. Et le cramponneront ou bien l'attacheront à la science et aux gens de science. le fait d'être attaché et de revenir au savant. Et le fait d'écouter aussi des hadiths, les paroles, les gentillances, c'est ce qui va lui faire rapprocher de la religion, et ce qui va l'affermir, bi'idhnillah ta'ala, aux questions des deux anges dans la tombe. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et que dis-tu de cet homme qui vous a été envoyé? Ces trois questions. Al-Sheikh Abdel Aziz Ben Baz, rahimahullah ta'ala, al-Mufti, al-Imam, al-Alam, al-Allam, ce grand savant, on lui lisait Thalathatul Usul, les trois fondements, le livre des trois fondements, le résumé, ce résumé, ce livre de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, on lui lisait ce livre trois fois par semaine, jusqu'à qu'il soit mort, rahimahullah. Ce qui prouve que ce n'est pas un livre pour débutants, que pour débutants. Un livre qu'il ne faut pas délaisser. Une chose qui te sera bénéfique, inshallah, dans la tombe, lorsque tu répondras aux anges. فالشخص إذا عود مسامعه الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فحري به أن يجيب على تلك الأسئلة يعني السؤال في القبر من ربك وما دينك ومن نبيك ثم إن أخصر طريق وأيسر طريق وأسعد طريق إلى الجنة هو طريق العلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة l'étudiant en science, il doit habituer sa personne à écouter des rappels, à profiter des paroles des savants sur les différents sujets qui touchent à notre religion. Et le grand savant, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, l'ancien mufti de Saoudie, rahimahullah, il dit que le fait de laisser sa personne يعود نفسه qui laisse sa personne en apprenant, il délaisse pas son nefs, il lui apprend à écouter des rappels. Tout ceci, inshallah, c'est une chose qui va l'aider à répondre aux questions dans la tombe. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et qui est ton prophète? Et ensuite, barakallahu fikum. La meilleure des voies, la plus facile des voies et la plus heureuse des voies qui mène au paradis est la voie de la science. Et la voie qui amène à la science. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui emprunte un chemin par lequel il recherche la science, Allah lui facilitera un chemin vers le paradis. لذلك خير ما تعمر به الأوقات العلم وخير صحبة هم صحبة العلماء خير صحبة هم صحبة العلماء وطلبة العلم وخير ما يسمع هو العلم وأشرف ما يسمع العلم وأفضل ما يعمل العلم وأفضل ما يتكلم به الشخص العلم فلا يحتقر الشخص أي لحظة من لحظات حياته في العلم إما سماع أو قراءة أو اطلاع ونحو ذلك وإذا تيسرت سبل العلم كالنقل ونحو ذلك، هذا مما يقيم الحجة على الشخص أكثر، وفي الإعراب أو الإقبال، فمن شكر النعم التي يعطيها الله العبد أن يغتنمها في الخير. Et la meilleure chose que tu peux profiter de ton temps, c'est la science. Et la meilleure compagnie que tu peux avoir, c'est la compagnie des savants et des étudiants en sciences. Et la meilleure chose que tu peux entendre, c'est la science. Et la chose la plus honorable que tu peux entendre, c'est la science. Et la meilleure chose que tu peux faire, c'est une chose avec science. Et la meilleure des paroles avec laquelle l'homme parle, c'est une parole avec science. Et comme il est dit, l'homme derrière sa langue, dès qu'il parle, on reconnaît sa valeur. Donc l'étudiant en science, toute personne, mais l'étudiant en science, plus particulièrement, il ne doit laisser aucune seconde parmi le temps qu'il a dans sa vie sans la science. Soit il écoute, soit il lit. Il profite du temps. Et ceci est une exhortation à étudier la science et de prendre un chemin permettant de l'acquérir. Comment on a cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Celui qui emprunte un chemin par lequel il recherche la science, Allah lui facilitera un chemin vers le paradis. Soit en voyageant pour demander la science, ou soit en pratiquant les causes qui vont permettre d'y arriver. Et si les voies qui mènent à la science lui sont facilitées, ça c'est une chose, c'est une preuve qui s'établit sur lui. Et parmi le remerciement des bienfaits d'Allah sur son serviteur, c'est de prendre et utiliser ses bienfaits dans le bien. De prendre et utiliser les bienfaits d'Allah dans le bien. L'imam al-Nawawi, rahimahullah, yaqul, makath thalatha sanawat, wa ana la adha' jambi ala al-ard, anam wa ana jalis. L'irtinamihi al-waqt. L'irtinamihi al-waqt. Et ذلك توفي وهو في أول الأربعين وصنف مصنفات لا يصنفها من بلغ مئة عام رحمه الله وما ذاك إلا لاغتنامه للعلم وكان ابن عقيل رحمه الله صاحب الفنون من الحنابلة القدماء يقول وأدخل الحمام لأغتسل فأتذكر المسألة فأخرج فأقيدها ثم أعود حرصا على تقييد العلم. الإمام النووي رحمه الله il dit je suis resté 3 ans et je n'ai pas posé وأنا لا أضع جسمي على الأرض je n'ai pas posé mon corps par terre j'ai dormi assis. Tout ça pour l'importance qu'il donnait à la science et au temps. Et il est mort, rahimahullah, l'imam al-Nawawi, au début de la quarantaine d'années. Et il a composé, il a écrit des livres que n'ont pas écrit ceux qui ont vécu sans années. Il a écrit et composé des livres que n'ont pas composé et écrit ceux qui ont vécu sans années. Et tout cela pourquoi ? Pour l'importance qu'il donnait à la science. Et l'importance qu'il donnait au temps. L'imam al-Nawawi, rahimallah, il mangeait une seule fois dans la journée. Et il participait à 12 cours dans les différentes sciences. Ou Ibn Aqil, rahimallah, il disait, je rentre aux toilettes pour faire ma purification majeure, pour faire les grandes ablutions. Et je me rappelle d'un sujet, un sujet de science. Je sors pour le noter ou pour la noter, la retranscrire, et je réentre ensuite. Tout ceci par son désir ardent de la science et de ne pas perdre les bénéfices de la science. هذا جانب والجانب الآخر أن النفس ضعيفة إذا أطلقتها لهواها وللدنيا وما فيها من زخرفها تنسى مآلها وهو الآخرة فبعض الناس قد يكون في إعراض وغفلة عن الدين وعن الآخرة وعن القبر وعن آيات الله وعن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فإذا غفل يعرض فإذا عود نفسه على الإقبال يلين قلبه والله عز وجل يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Et comme vous le savez, النفس أمارة بالسوء. النفس لام على بل مال sauf celle à qui Allah Azza wa Jalla a fait miséricorde. Et l'âme, elle est faible. Si tu la laisses suivre ses passions, suivre cette vie d'ici-bas, tout ce qu'elle contient comme chose qui l'abellit, elle va oublier l'au-delà. C'est pour ça que beaucoup de gens, ou certaines personnes, ils sont inattentifs à la religion. Et c'est ce qui leur a fait oublier l'akhira, l'au-delà, aussi la tombe. Parce qu'ils n'ont pas habitué leur personne à écouter des rappels, à profiter des cours des savants, à écouter les versets d'Allah qui lui sont récités, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque laisse sa personne ou laisse son nefs suivre ses passions, il va prendre un chemin qui va lui être nuisible. Si tu laisses ton âme et tu lui apprends ces choses-là, le fait d'écouter des rappels, écouter les versets d'Allah, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui va être un bien pour elle et pour la personne, pour son cœur. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal a dit « Ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub » N'est-ce pas avec le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent? C'est une chose qui va l'apaiser. Elle va se sentir bien. « Wana daiman wa al-mashayikh wal-ulma al-kabir daiman yansahun talabat al-ilm wal-mustaqimin bi-hifd al-mutun bi-qadar ma yumkin lil-shakhs an yahfad min al-mutun yahfad فهي بإذن الله تبقى وهذه فرصة ربما لن تتكرر لك وهي أن تطلب العلم وتحضر مجالس العلم وتسأل المشايخ وأنت في بيتك ولك أجر الجالسين مع الشيخ حيث تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. Et c'est pour ça qu'il faut donner une grande importance au fait de, et les savants ils donnent et toujours ils conseillent les étudiants en sciences et les gens qui suivent la voie droite de mémoriser les résumés de livres dans toutes les sciences, l'aqida, la croyance, un tawhid, salatat al-usul, les trois fondements, kashf al-shubuhat, al-qawa'id al-arba'a, kitab al-tawhid, ces livres-là qui ont entré à la croyance. Le Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, toujours des conseils les étudiants en sciences d'apprendre, de mémoriser, de comprendre ces livres qui les aideront à avancer dans cette religion. Et c'est aussi une occasion pour la personne qui écoute un rappel alors qu'elle se trouve chez elle et qu'elle peut écouter les cours des savants. Et elle peut questionner un savant alors qu'elle se trouve chez elle. Ça, c'est une grande ni'ma, c'est un grand bienfait d'Allah, Azza wa Jal. Si elle n'a pas la possibilité de voyager vers eux pour le moment, elle questionne les gens de science. Et elle a la récompense de celui qui s'assoit dans les assemblées de science, comme on l'a cité dans le hadith. Wal ulama a'tanu bil mukhtasarat al-'ilmiyyah min ajli an tuhfaz wa min ajli an yatadarraj talib al-'ilm biha ila ma fawqaha. Fala yumkin an ta'khudh al-'ilm daf'atan wahidah, walakin ta'khudh al-'ilm shay'an fa shay'an. Tabda min al-mukhtasarat thumma al-mutawassitat thumma al-mutawassitat thumma al-mutawilat. فلا بد ان يكون العلم شيئا فشيئا ولا يؤخذ دفعه واحده لان من اراد ان ياخذ العلم دفعه واحده فلن ياخذ منه شيئا بل لا بد من التدرج والترقي شيئا فشيئا ولهذا يقولون العلماء يقولون من ضيع الوصول حرم الوصول من ضيع الأصول حرم الوصول والأصول هي هذه المختصرات فاعتنوا رحمهم الله بهذه المختصرات في كل فن مختصرات في الفقه وفي العقيدة مختصرات في النحو مختصرات في الموارث وفي أصول الفقه مختصرات في كل فن فكل فن له مختصرات تكون مبادئ ومداخل لعلوم ذلك الفن. Et les savants, barakallahu fikum, waffaqakum Allah, lil'ilm al-nafi' wal'amal al-salih. Les savants, ils ont fait d'énormes efforts en composant, en écrivant, en examinant les résumés de livres dans toutes les disciplines. Pour que les étudiants, ils les mémorisent et ils avancent petit à petit avec ces résumés de livres vers ce qu'il y a de plus soutenu. Parce qu'il n'est pas possible pour l'étudiant en science de prendre la science d'un seul coup. Car celui qui veut la prendre d'un seul coup, il ne prendra rien d'elle. L'étudiant, il doit passer par des étapes, des échelons, et il progressera petit à petit. Il changera d'état en un passage à un degré supérieur, petit à petit. Et c'est pour cela que les savants ils disent que celui qui perd les bases de la science, il sera privé de son accès. Si tu délaisses ces bases, c'est-à-dire les résumés de livres, dans toutes les disciplines des livres, tu n'accéderas pas à la science et tu en seras privé. Ils ont toujours fait des efforts, les savants, en composant des livres dans toutes les disciplines, dans la jurisprudence, dans l'aqid, tawhid, tout ce qui a attrait à la croyance, des résumés de livres dans la grammaire en arabe, dans la langue arabe, dans les fondements de la jurisprudence. Tout cela pourquoi ? Pour que l'étudiant en science il progresse petit à petit et qu'il avance dans le bon chemin, dans la voie droite, et qu'il passe un degré supérieur petit à petit. وبعض الناس يحتقر هذه المختصرات ولا يلتفت إليها ويذهب إلى المطولات وهذا يحرم العلم لأنه لم يأتي العلم من أبوابه. قال تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. كل شيء يؤتى من بابه وأبواب العلم هي هذه المختصرات ولها أهمية عظيمة. Et comme vous le voyez, et comme vous le savez, certaines personnes y délaissent ces résumés de livres et ils n'y portent aucune importance. Allah Azza wa Jalla a dit, la bonté pieuse n'est pas de rentrer chez vous par l'arrière des maisons, mais la bonté pieuse consiste à craindre Allah. Entrez donc dans les maisons par leurs portes. Et toute chose, elle doit être faite par sa porte. On doit rentrer dans chaque chose dans son contexte. Et les portes de la science, qui sont les résumés de livres qu'on cite. Les résumés de livres. شأن المختصرات لا تذكر فيها أقوال متعددة لأن ذلك المبتدئ يغذى بالعلم شيئا فشيئا كالطفل يغذى بالطعام شيئا فشيئا. فمن الحكمة والطريقة الحكيمة التدرج بالطالب شيئا فشيئا في مسائل العلم. ولذلك اهتم العلماء في وضع المختصرات في كل فن لتكون مدخلا للعلوم. وهذه طريقة الربانيين كما قال سبحانه ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Et ces résumés-là, dont les savants portent une grande importance, afin que l'étudiant science, il apprenne cette science comme il se doit, comme il convient. Ces résumés-là, on ne cite pas de nombreuses paroles, car l'étudiant débutant, il se nourrit de la science petit à petit. L'étudiant science, il se nourrit de la science petit à petit. Comme l'enfant, il se nourrit de la nourriture petit à petit, le nourrisson lorsqu'il grandit. Donc il commence à grandir l'enfant, on le nourrit petit à petit. L'étudiant débutant, il se nourrit de la science petit à petit. Et ces résumés, ils sont une entrée qui amène aux différentes sciences. Et cette voie-là, barakallahu fikum, c'est la voie des gens enracinés dans la science. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Ali Imran. Mais au contraire, devenez des savants enracinés dans la science, puisque vous enseignez le livre et vous l'étudiez. وقال بعض السلف الربانيون هم الذين يعلمون صغار العلم قبل كباره وإننا نلاحظ أن كثيرا ممن ينتسبون لطلب العلم في هذا الزمان يبدأون بالكتب المطولة من كتب الخلاف وكتب الخلاف وهم لم يمروا على تلك المختصرات فلا يحصلون على شيء كما قيل من ضيع الأصول حرم الوصول وكما قيل أيضا حفظ المتون يقوي المتون فلا بد من حفظ هذه المتون وتفهم معانيها على أيدي العلماء ويجب الحذر من الذين يزهدون في الحفظ فإن الحفظ هو أساس العلم. Et certains savants et certains salafs, puis prédécesseurs, ont dit que les savants enracinés dans la science sont ceux qui enseignent les petites sciences avant les grandes. Et ce qu'on voit aujourd'hui de beaucoup de personnes qui se prétendent être dans la science, ou bien se prétendent être des gens de science, de rentrer dans des livres qui sont soutenus et détaillés, des livres de divergence, alors qu'ils ne sont même pas passés par ces résumés de livres. Et c'est pour ça, c'est pour cela qu'ils n'ont profité de rien. Yani, ils n'ont rien pris d'elle, cette science-là. Et comme il l'a dit, comme on l'a dit, et on le répète, que celui qui perd les bases de la science, il sera privé de son accès. Donc il faut impérativement mémoriser ces résumés de livres et les comprendre chez les gens de science. Il ne suffit pas de les mémoriser sans compréhension. Et également, il faut faire très attention à ceux qui éloignent les gens de la mémorisation. Parce que la mémorisation, c'est la base de la science. Et comme on l'a dit, la science, elle a des portes. Et ces portes-là, elles sont ses bases. Ce que font certains frères, certaines personnes, surtout les jeunes aujourd'hui, pour la plupart est incorrect. Ils étudient des livres qui sont soutenus et détaillés, et ils délaissent les livres qui sont courts et résumés. Et ils délaissent l'apprentissage par cœur, al-habb, de ces livres résumés, de les lire, de les comprendre, et de comprendre ce qu'ils mémorisent. Ce qui a fait que beaucoup ont parlé sur la religion d'Allah ou sur des sujets sans connaissance. Et comme vous le savez, il n'appartient pas à l'ignorant, à celui qui a appris seul, sans aucune base, dans la science, de parler des sujets de la religion sans connaissance. À celui qui est autodidacte, qui a lu ou qui a mémorisé quelque chose des textes sans comprendre leur sens et sans avoir appris chez les savants. C'est pour ça qu'aujourd'hui on voit beaucoup de jeunes, et je dis jeunes parce que la plupart, malheureusement, sont des jeunes qui se font avoir, ou bien qui tombent dans ces choses-là, en rentrant dans des sujets dont ils ne sont pas les bienvenus, des sujets qui appartiennent aux savants, que ce sont les savants qui doivent les expliquer, dans des sujets du takfir, sujets de l'excuse d'ignorance, l'udhr, bil-jahl, alors qu'ils n'ont même pas encore appris et mémorisé et compris ces résumés de livres. Tu les vois mettre l'accent sur la question de l'excuse par l'ignorance et à ne s'occuper que de ce sujet-là ou des sujets qui tournent autour de ce sujet-là, alors qu'ils ignorent beaucoup de sujets et ils ne les connaissent pas. Ils occupent leur personne par al-qil ou al-qal, un tel a dit, alors qu'en vérité, ils devraient occuper leur personne ce qui leur est profitable, occuper leur personne par l'apprentissage de la science. Beaucoup sont rentrés dans le takfir, qui est de juger un individu spécifique mécréant. Et cela n'appartient qu'aux savants, ne s'en occupent que les gens de science. Eux seuls s'occupent des sujets et causes du takfir et les connaissent. Et beaucoup de jeunes sont rentrés dans des fitnes, dans des choses, dans des choses qui sont très dangereuses. Malheureusement, beaucoup de nos frères, à notre époque, ils ne sont même pas passés par l'étape de la mémorisation et la compréhension de ces livres, ces résumés de livres, ou bien par l'étape de l'écoute et du silence et du fait de s'asseoir chez les savants et de profiter non pas que de leur science mais aussi de leur comportement, de leur façon d'expliquer les choses. Ils ne sont pas passés par ces étapes que tu les vois déjà dans celle de la propagation. Comme on l'a vu, il faut occuper ces personnes et les gens également de choses qui leur soient profitables. Mais qu'un tel parle sur des choses qu'il ne maîtrise pas et méprise ses frères car ils ne suivent pas ses passions. Cela ne convient pas et ce n'est pas profitable pour personne. فالفتن لا يتكلم فيها كل أحد لا يتكلم في الفتن إلا أهل العلم والبصيرة et tous les problèmes qui se passent et qui se passeront nous on n'a pas rentré dedans ça les gens de science eux-mêmes, eux seuls sont capables d'expliquer et d'éteindre le feu de ces problèmes فتن فأخي الطالب لا يكفي أيضا أن تصلح نفسك بل تحاول أن تصلح غيرك إذا أرشدت غيرك إلى الخير وحذرته من الشر فقد تصدقت عليه صدقة عظيمة لأن الله قد ينفعه بها أكثر مما ينفعه المال mais également ça ne suffit pas à l'étudiant de science de de changer sa personne uniquement mais il doit essayer à changer les autres à les aider à avancer dans cette religion à occuper sa personne et les gens de choses qui leur soient profitables de leur montrer la voie qui est juste d'avoir des gens de science, des grands savants, de la voie qui amène au bien, et de leur et de les mettre en garde contre la voie du mal, contre toute chose qui amène au mal. Et celui qui fait ça, il a donné une très grande aumône. Et il se peut qu'Allah Azza wa Jal, il fasse profiter de cette aumône, le fait de d'appeler les gens bien, plus que l'aumône qui est faite avec l'argent. Également, étudiant en science, il doit prendre la science des grands savants. Tant qu'ils sont présents encore aujourd'hui avec nous, qu'ils profitent d'eux. Walillah alhamd. Car après, les remords ne lui seront pas profitables. خذ من البحر واترك النهار prends de l'océan et délaisse la rivière si Allah t'a permis de profiter de la science des grands savants profite c'est pour ça tout le temps depuis des années je conseille mes frères de prendre la science des grands savants tant qu'ils sont vivants parmi nous fa C'est ce qui, je pense, ce qui nous suffira, inshallah. Inshallah. Et voilà comme l'ikhlas, le qawli et l'amal. Allahumma inna as'aluka min al-khayri kulleh, ajilihi wa ajilihi. Ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udhu bika min al-sharri kulleh, ajilihi wa ajilihi. Ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udhu bika min al-fitan, ma zahara minha wa ma batan. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين